إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نعم، on commence aujourd'hui le cours numéro 7. Alhamdulillah. Naam, donc on commence le cours numéro 7 dans la lecture du livre du Cheikh Ubayd al-Jabiri qui s'intitule Al-Hadd al-Fasil bayna mu'amalati ahli as-sunnati wa ahli al-batil. Mais le livre, il y a plusieurs parties, parce que c'est pas un seul audio, il y a plusieurs parties qui ont été rassemblées. Le deuxième livre qui a été rassemblé avec ce livre-là, c'est Ad-Dawabit fi kayfiyati mu'amalati ahli as-sunnah wa ahli al-bid'ah wa ahli al-batil, pardon. Et le troisième, Fiqh al-ta'amul ma'a ahli as-sunnah wa ahli al-batil. Donc ces trois titres-là, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire la façon qui vient distinguer ou qui vient trancher par rapport à la façon dont on doit agir. Hein, l'interaction qu'on doit avoir, la façon qu'on doit agir envers les gens de la sunna et envers les gens de la fausseté, c'est-à-dire les gens de bid'ah et ainsi de suite. Comment on doit agir avec eux et comment on doit agir avec les gens de la sunna. Et c'est les principes et les règles qui nous aident à comprendre comment on doit avoir le discernement et la distinction dans la façon d'agir envers les gens de la sunna et envers les gens de la fausseté. Et on a expliqué dans les premiers cours, lorsqu'on a commencé, qu'est-ce qui a rapport avec ce sujet-là. Hein, parce qu'on a vu des attitudes divergentes, hein, des attitudes divergentes plutôt, dans la façon d'agir envers les gens. Et il y en a qui agissent avec les individus, envers les musulmans, sans aucun discernement. Et ils ne distinguent pas les gens de la sunna des gens de la bid'ah. Et on a vu apparaître deux extrêmes à ce sujet-là, comme on l'a expliqué. Ceux qui agissent avec tout le monde, comme s'ils traitent tout le monde comme étant des gens de bid'ah. Hein? Et ils classent tout le monde comme étant des gens de bid'ah. Peu importe, il y en a qu'ils fassent une erreur dans les questions d'ijtihad ou dans des questions qui sont très subtiles. Il y en a du moment que quelqu'un tombe dans une erreur, que ce soit un parmi les grands imams de la da'wah salafia ou autre, ils vont le condamner automatiquement. Et ils vont le dénigrer, ils vont l'insulter, et ils n'ont aucun respect pour lui. C'est ce qu'on appelle al-haddadiyya. Al-haddadiyya. Hein? Donc, pour n'importe quelle erreur qu'un grand savant va faire, et peu importe la sorte d'erreur aussi, ils ont il n'y a aucun respect, ils vont le dénigrer, ils vont l'insulter, ils vont le traiter de mubtadi' et ainsi de suite. Et il y en a beaucoup qui sont apparus à cette époque. On a parlé de ça déjà. Il y a l'autre extrême, c'est Ahlul Tamir, les gens de Tamir, hein, comme Al-Halabi, Al-Ma'ribi et ainsi de suite. Eux, ils veulent qu'on traite tout le monde comme si c'était des gens de la Sunna. Did you find the place? We're having a class right now, and it's online, so we cannot really be disturbed. But if you don't find it around the third floor, that means it doesn't exist anymore. Because a lot of these places, like you are looking for a dentist or something like that, Yeah, a lot of these places, these doctors, they moved now. They don't, their office is closed. It's not open anymore. So I would suggest that you go on on the internet, on Google. You type their names and you try to find them. You try to find where is their new office. There is one on the street on Queen Mary. If you go outside the building, you'll probably find a public phone. I'm sorry. Don't worry. Naam. Naam. So, as I on revient au français. Allah l'instaan. On se fait interrompre. Naam. Les gens de Tamir, c'est les gens qui, ils veulent agir avec tout le monde comme si c'était des gens de la Sunna. Hein, ils font pas de distinction entre le Mubtadi' et le Sunni, le Salafi. Yani pour eux, yani les gens de Bid'ah sont des gens de la Sunna. Les Ikhwan sont des Salafis, les Tablir sont des Salafis, hein, les Takfiri sont des Salafis, les Sururi sont des Salafis, les Qutbin sont des Salafis, tout le monde sont des Salafis pour eux. Même les Haddadiyya sont des Salafis. A'udhu billah. Et les seuls qui ne sont pas des Salafis pour eux sont les Salafis, hein, et les ulama d'Ahlus Sunna. Donc ça c'est l'autre attitude qu'on a vu apparaître, hein, dernièrement, et qui se propage malheureusement, Allah musta'an, chez des jeunes. Et on a vu ce petit groupe apparaître aussi par, en particulier à Paris, dans le monde francophone. Et c'est eux actuellement qui sont en train de faire la guerre aux salafiyins, et en particulier aux grands machaïds parmi les chouyoukhs salafiyins. Et ils émettent des choubouhats et ils insultent, hein, les ulama et les du'at sans aucune gêne et sans aucun respect. Donc ça, c'est les deux extrêmes. Maintenant, le Cheikh Ubayd, alhamdoulilah, dans ce livre, il a expliqué et clarifié la façon dont on doit agir envers chacun des deux, pour pas qu'on tombe dans un de ces deux extrêmes-là et puis qu'on reste sur le droit chemin, sur le juste milieu. Donc la question numéro 7 qu'on va lire, la question numéro 17 aujourd'hui, c'est, question numéro 16. السادس عشر. يقول السائل إذا سمعت كلام العالم في شريط أو قرأت له في كتاب عن شخص ما أنه مبتدع ولم أرى له دليلا على ذلك فهل يلزمني أن أحذر من هذا الشخص وأن أقتنع بأنه مبتدع أم أتريث حتى أجد الدليل على ذلك؟ Donc c'est une question très intéressante et très importante. Qui a été posé ici et qui clarifie en même temps, qui va clarifier la réponse à cette question, va clarifier beaucoup de shubuhat qui sont jetées actuellement par rapport au manhaj salafi. Donc la question c'est, lorsque j'entends la parole d'un savant sur une cassette ou que je lis dans un livre à propos d'un individu en particulier, hein, une personne quelconque, que c'est un innovateur, hein, j'écoute la cassette d'un savant. Puis dans cette cassette, on dit à propos d'une personne que c'est un mubtadi'. Sauf que moi-même, je n'ai vu aucune preuve que c'était un innovateur. Est-ce qu'il m'est imposé dans ce cas-là de mettre en garde, hein, de mettre en garde de cette personne et d'être convaincu que c'est un innovateur, ou bien je dois prendre une pause, hein, et prendre les choses doucement et calmement jusqu'à ce que je trouve le dalil, c'est-à-dire je vais pas me précipiter, je vais attendre jusqu'à ce que je trouve le dalil que c'est un innovateur et ensuite je vais mettre en garde et ainsi de suite. Et on a souvent cette attitude-là qui apparaît de la part de certains, hein, aujourd'hui. Par exemple, les savants mettent en garde contre un individu, hein, contre un individu. Et que ce soit yani Tariq Ramadan ou Rachid Abu Hudayfa ou d'autres parmi les francophones, hein, des fois c'est des gens qui ne sont pas connus, parce que c'est des gens qui sont dans leur quartier, ils ont leur petite da'wa, ils ne sont pas connus internationalement, ce ne sont pas des du'ad que les ulama connaissent parce qu'ils ne parlent pas la langue arabe par exemple, et il n'y a personne qui est allé voir les ulama à leur sujet pour nécessairement leur parler des erreurs qu'ils ont et ainsi de suite. Sauf que ils ont des principes et des erreurs et ils se réfèrent aux gens d'égarement au sujet desquels les savants ont mis en garde déjà. Hein? On a plein d'exemples comme ça. Donc, Par exemple, quelqu'un, il suit que des références en arabe qui sont des gens de batil, des gens de fausseté, des gens que les savants ont mis en garde à leur sujet. Donc, c'est clair que c'est des gens qui sont affiliés aux gens de bid'ah. Et donc, dans ce cas-là, nous, on considère que c'est des innovateurs. Mais le problème qui vient par la suite, c'est que, oui, mais moi, je les ai écoutés, ces gens-là. On entend souvent des gens dire ça. Oui, mais moi, je les ai écoutés, ces prêcheurs-là, et ils disent rien de mal. Ou bien, je n'ai pas entendu leur erreur, ou je ne suis pas convaincu que c'est des innovateurs, donc je vais continuer à les écouter, des choses comme ça, tu vois. Et il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi la personne, elle n'a pas trouvé l'erreur. Des fois, elle n'a pas trouvé l'erreur parce qu'elle ne peut pas comprendre elle-même l'erreur, parce qu'elle n'a pas assez de ilm. Donc, l'erreur est juste devant son nez, mais elle ne la voit pas parce qu'elle n'a pas encore la compréhension suffisante qui lui permet de comprendre ces erreurs-là. Et sinon, des fois, c'est juste parce que il y a des erreurs qui sont dans certains livres ou certains audios que la personne en question, elle les a pas entendues, elle les a pas écoutées. Donc, elle n'est pas au courant de ces erreurs. Donc, ça fait partie des explications. Mais sinon, il y en a d'autres aussi. Et on va lire la réponse de Cheikh Ubayd et comment il a clarifié ce sujet-là pour essayer de comprendre un peu plus et un peu mieux ce sujet. Donc le cheikh il dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa inna ahla as-sunnah la yahkumuna ala ahadin bi bid'atin illa wa qad khabaruhu wa sabaru ma 'indahu tamaman wa 'arafu manhajahu tamaman jumlatan wa tafsilan wa min huna هذه المسألة تستدعي منا وقفتين. Donc le cheikh il commence, il dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur ses compagnons, ses fidèles, ses compagnons, sur tous ses fidèles et sur tous ses compagnons. Et ensuite il dit, sachez que les gens de la sunna, ils ne jugent pas à propos d'un individu quelconque comme étant sur la bid'ah, excepté qu'ils ont été complètement informés à son sujet et qu'ils ont connu sa méthodologie de façon complète, en détail et de façon générale. Et c'est pourquoi ici nous allons répondre à cette question et ça nécessite de notre part, ou ça demande de notre part, de nous arrêter sur deux points avant de commencer à répondre. Le premier point, الوقفه الاولى في من حكم عليه او حكم عليه عالم او علماء بانه مبتدع ولم يختلف معهم غيرهم ممن هم اهل سنه مثلهم تفطنوا اقول لم يختلف منهم غيرهم فيه ممن هم اهل سنه فإنا نقبل جرحهم له فإنا نقبل قولهم ونحذره ما دام أنه حكم عليه أو حكم عليه وجرحه عالم سني ولم يظهر بقية أهل السنة الذين هم أقران هذا العالم من إخوانه وأبنائه العلماء فلا بد من قبوله لأن هذا العالم السني الذي جرح رجلا فإنه لم يجرحه إلا بأمر إلا بأمر بان له وقام عنده عليه الدليل لأن هذا من دين الله والذي يجرح ويعدل يعلم أنه مسؤول عما يقول ويفتي به أو يحكم به ويعلم أنه مسؤول من الله عز وجل قبل أن يسأله الخلق. Donc le cheikh il commence à répondre en disant, celui à propos duquel un savant ou plusieurs savants ont jugé que c'était un innovateur et personne d'autre qu'eux ont divergé parmi les gens de la sunna qui sont semblables à eux. Et comprenez bien qu'est-ce que je dis. Je dis, personne n'ont divergé avec eux, ni autres que eux, n'ont divergé à son sujet parmi les gens qui font partie de la Sunna. Ok? Donc, dans ce cas-là, on accepte ce jarh, on accepte cette critique qui a été faite à son sujet, hein, et on l'accepte et on va mettre en garde contre cette personne. Du moment que la personne qui l'a critiqué, cet innovateur, hein, et la personne qui a jugé à son sujet était un savant qui est sunni, c'est-à-dire qui est sur la sunna. Et il n'y a aucun d'entre les gens de la sunna, parmi les autres savants, qui sont des contemporains de ce savant-là, hein, qui sont de la même génération que ce savant-là, aucun d'entre eux parmi ces autres savants et parmi ses fils et parmi ses frères, les frères de ces savants, de ce savant, aucun d'entre eux ne l'ont contredit. Donc dans ce cas-là, il faut accepter cette critique. Parce que la personne qui l'a critiqué est un savant sunni, hein, et lorsqu'il critique quelqu'un, il ne le critique pas excepté que la chose est devenue claire pour lui, excepté que la preuve a été claire et établie par rapport à cette personne, parce que cela fait partie de la religion d'Allah. Et celui qui va critiquer une personne et dire que cette personne-là, elle est innovateur ou qu'elle est mauvaise, ou celui qui va dire du bien d'une personne et va lui faire une tazkiyah, ben il va faire son ta'dil, va dire du bien de cette personne, eh bien, la personne qui fait ça, qui fait le jarh ou qui fait le ta'dil, elle sait qu'elle sera questionnée par Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de ce qu'elle dit et au sujet de ce qu'elle donne comme fatwa, ou au sujet du jugement qu'elle donne à propos de quelqu'un. Allah va lui poser des questions à ce sujet-là avant que les créatures même lui demandent des questions. Donc elle sait qu'elle est responsable de ce qu'elle dit et qu'elle doit donc craindre Allah et faire attention à ce qu'elle dit. Elle ne va pas faire un jugement sur quelqu'un sans être basé sur une preuve. Donc ça c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, الوقفه الثانيه اذا كان هذا الشخص الذي جرحه عالم او علماء وحكم عليه بما يسقطه ويوجب الحذر منه قد خالفهم غيرهم فحكموا بعدالته وانه على السنه او غير ذلك من الاحكام المخالفه لاحكام الاخرين المجرحين له فما دام ان هؤلاء على السنه وهؤلاء على السنه فكلهم اهل ثقه عندنا وذو امانه عندنا ففي هذه الحال ننظر في الدليل. Là, le cheikh il explique maintenant la situation qui se produit parfois. Une autre situation qui se produit. Le premier exemple qu'on a mentionné, c'est l'exemple où personne n'a divergé à propos de cette personne. Tout le monde était d'accord. Maintenant, c'est l'autre situation, le cas où une personne a été critiquée par un savant ou par des savants et ils ont jugé de faire tomber cette personne et de mettre en garde contre elle parce qu'elle a des choses qui sont en contradiction avec la sunna, mais d'autres savants ont contredit ces savants-là parmi les gens qui sont également sur la sunna, et eux ils ont jugé que cette personne était correcte, hein, et qu'elle était on pouvait prendre d'elle ou qu'elle était juste cette personne. Et ces gens-là aussi sont sur la sunna, ceux qui ont dit ça sont eux aussi sur la sunna. Il dit, ou bien ils ont contredit ceux qui ont dit du mal ou qui ont critiqué cette personne par d'autres règles ou d'autres principes qu'ils ont mentionnés. Donc le cheikh il dit que du moment que ces deux groupes de savants, ces deux parties, ces deux positions des savants, les deux sont basés sur la sunna et les deux sont des gens fiables, hein, et ils font partie des gens honnêtes, alors dans ce cas-là, on regarde la preuve. Alors dans ce cas-là, on retourne à la preuve que les gens ont ramenée pour dire que cette personne-là n'était pas correcte. Et il dit, قالوا من علم حج على من لم يعلم. Ils ont dit, les savants, comme règle, ça c'est une règle importante, et vous, vous devez la noter, cette règle, parce qu'elle est très importante. من علم حج على من لم يعلم. Celui qui sait, celui qui sait est une preuve sur celui qui ne sait pas. Hein? Celui qui a su, il est une preuve sur celui qui n'a pas, qui n'a pas, qui n'a pas de science, qui n'a pas connu. Donc, il dit le cheikh, فالجارح قال في فلان من الناس إنه مبتدع منحرف زائر وأتى بالأدلة من كتب المجروح أو من أشرطته أو من نقل الثقات عنه فهذا موجب علينا قبول قوله وترك المعدلين الذين خالفوا من جرحه لأن هؤلاء المجرحين له أتوا بأدلة خفيت على الآخرين لسبب من الأسباب أو أن المعدل لم يقرأ ولم يسمع من ذلك المجرح وإنما بنى على السابق على سابق علمه وسابق معرفته به وأنه كان على سنة فأصبح هذا المجروح الذي أقيم الدليل على جرحه مجروحا والحجة مع من أقام الدليل وعلى من يطلب الحق أن يتبع الدليل ولا يلتمس بنيات الطريق ذات اليمين وذات الشمال أو يقول أقف بنفسي فهذا لم نمنع هذا عند السلف. Donc le cheikh il explique, il dit la personne qui fait le jarh, hein, si la personne fait le jarh à propos d'une personne quelconque et elle dit celui-là c'est un mubtadi', c'est un dévié, c'est un égaré, hein, et il a ramené les preuves des livres de cette personne qui a été critiquée, soit de ses livres ou de ses cassettes audio, hein, de ses enregistrements, ou bien il s'est basé sur des paroles des gens qui lui ont transmises, hein, que des paroles qui lui ont été transmises de personnes fiables, hein, parce que c'est ça des fois, ça aussi ça fait partie des références qu'on peut utiliser. Et des fois les gens à l'époque qu'on vit, à notre époque, si des gens se basent sur des paroles qui ont été rapportées de personnes fiables, eh bien parfois les gens ils vont pas prendre en considération ces paroles-là. Ils vont dire non, on veut l'audio ou on veut l'écrit. Hein, ils veulent pas se baser uniquement sur qu'est-ce qui a été rapporté par des personnes, alors que ces personnes-là sont pas connues comme étant des menteurs, c'est des personnes qui sont fiables, honnêtes. Mais eux, ils veulent pas l'accepter. Et ça, c'est dommage. Pourquoi? Parce que il y a des gens de Hizbi, hein, et des gens de Bid'ah qui sont justement rusés, hein, et malins. C'est-à-dire qu'ils vont jamais dire ce qu'ils pensent directement en public ou dans un cours enregistré ou en direct. Ils vont uniquement dire ce qu'ils pensent en privé, dans des cercles fermés ou lorsqu'ils sont avec des gens qui sont comme eux, hein, et ils vont exprimer leurs positions qui sont en contradiction avec la position des salafs, hein, et en opposition avec leur manhaj. Et c'est là que ça devient dangereux. Et étant donné que ces gens-là, comme on dit, sont des gens rusés et qu'ils se cachent, ou bien qu'ils cachent leur vraie position, ça devient difficile de critiquer ces gens-là publiquement ou de mettre en garde publiquement contre eux, parce que les gens sont méfiants vis-à-vis des critiques qui sont faites lorsqu'on n'a pas un audio ou un écrit qui prouve l'égarement de ces gens-là. Mais alhamdoulilah, comme le cheikh il le dit, si on a un rapport, une parole qui a été transmise de personnes fiables à leur sujet, qui nous mentionnent des paroles de leur part qui montrent qu'ils sont en contradiction avec le manhaj des salaf, c'est suffisant comme référence. Du moment qu'on sait que cette personne, elle est fiable, elle ne va pas déformer les propos de la personne en question, elle ne va pas rajouter ou enlever dans ses propos, elle va transmettre sa parole telle qu'elle. Revenons au sujet. Le cheikh il dit « Oh, min naql al-siqat anhu » Donc, du moins que la personne, elle a transmis hein, ce qu'elle a entendu de ces gens-là de façon fiable et honnête. Elle n'a pas ajouté, elle n'a pas enlevé, elle n'a pas déformé leurs propos, elle a dit les choses telles qu'ils l'ont dit. Hein, eh bien, ça, ça suffit comme référence. Hein. Alhamdulillah, des fois, il y a des gens comme ça, alhamdulillah, ils nous ont mis en garde contre des individus. On n'a jamais entendu les audios à leur sujet, on n'a jamais lu rien d'écrit de leur part, mais c'est des gens qui ont fréquenté des personnes en question et qui savent leur position sur plusieurs choses. Ils ont dit « Oui, on était avec cette personne, on a parlé ensemble et on lui a parlé de telle ou de telle chose et lui, il nous disait telle chose ou telle chose et il nous répondait « Non, ça c'est pas vrai, ça c'est bon, ça c'est pas bon. » Et il parlait contre, par exemple, tel cheikh ou tel cheikh, il disait ça à son sujet, ou tel innovateur, il le défend, il dit des choses de bien à son sujet, il parle. Hein? Donc, ça, c'est des paroles qui ont été dites en privé. Mais si tu demandais à cette personne en public, ou de parler de ça publiquement, il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que, justement, il cache ses vraies positions. Mais, tôt ou tard, ces positions que cette personne-là a, qui sont des positions cachées, tôt ou tard elles apparaissent, tôt ou tard elles sortent. Et par rapport aussi aux affiliations de cette personne, tôt ou tard elles font surface et on voit avec qui cette personne-là se tient et qui sont ses fréquentations. Et ça, ça devient un signe qui nous montre la réalité de la position de cette personne. Hein? Ensuite, le cheikh il dit « Fahada mujibun alayna qabulu qawli » Ça, ça nous oblige d'accepter sa parole hein, alors, au sujet de cette personne qui a été critiquée. Et de laisser tomber ceux qui ont dit du bien à son sujet, parmi ceux qui ont contredit ceux qui l'ont critiqué. Parce que ceux qui l'ont critiqué, qui ont fait son jarh, ils ont ramené des preuves que ceux qui ont dit du bien à leur sujet n'ont pas connues. Tu comprends? Par exemple, si, par exemple, on va dire, un individu, par exemple, Mustapha, il a su à propos de Zayd qu'il a des déviations. Okay? Et il a ramené des preuves à ce sujet-là. Soit parce qu'il a trouvé les preuves dans ses audios, soit qu'il a trouvé des preuves dans ses livres, ou soit qu'il a eu des conversations avec lui ou des preuves de paroles qu'il dit et il nous a transmis ces paroles-là. D'accord? Maintenant, il y a un autre frère qui s'appelle, on va dire, Amr. Lui, Amr, il dit du bien de Mustapha. Hein? Ou bien c'était pas de Zayd. Hein? Il dit du bien de Zayd. Et il dit de Zayd, oui, le Zayd, il est correct et il est bien. Sauf que, lui, Amr, il n'est pas au courant de tout ce que Mustapha sait à propos de Zayd. Il n'est pas au courant des détails que qu'est-ce que Mustapha a connu à propos de Zayd. Donc, sa connaissance par rapport à celle de Mustapha, elle est limitée. Donc, il dit du bien de Zayd. Il dit du bien par rapport à qu'est-ce qu'il connaît du passé de Zayd. Il était auparavant sur la sunna. Il était quelqu'un auparavant qui disait du bien, qui paraissait être bien. Hein? Sauf que Mustapha, lui, il a su des choses à propos de Zayd que Amr n'a pas su à propos de Zayd. C'est des choses qui lui ont échappé. Soit parce que il n'a pas lu les paroles et les livres de Zayd, hein, c'est-à-dire Amr, il n'a pas lu les paroles et les écrits n'a pas écouté les paroles, il n'a pas lu les écrits de Zayd, qui a été critiqué. Il s'est juste basé sur ce qu'il savait depuis longtemps. Il a dit, oh, moi j'ai connu cette personne, ça fait 10 ans que je le connais, et il était toujours bien, il a toujours été sur la sunna. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas su, c'est que dernièrement, depuis peut-être 5-6 ans, même moins que ça, des fois 3 ans, on va dire que lui, il a commencé à dévier, commencé à dire des choses, commencé à écrire des choses, commencé à parler dans ses khutbah de certaines choses qui sont en opposition avec la sunna, et on lui a fait la nasiha, on lui a parlé, mais il persiste. Hein? Et Mustapha est au courant de ça, mais Amr, lui, il ne le sait pas. Donc, ceux qui le critiquent, Zayd, ils le critiquent avec plus de compréhension, plus de connaissance que Amr. D'accord? Des fois, c'est un petit peu difficile à comprendre ces choses-là, parce que c'est là on donne des exemples pour faire comprendre. Si on pouvait prendre des exemples de choses concrètes qui existent, mais c'est mieux de commencer par des exemples abstraits pour établir les principes. Hein? Puis si tu comprends le principe, après tu peux toi-même l'appliquer sur un cas explicite, un exemple concret qui existe actuellement. Des informations plus récentes et des connaissances plus détaillées qui sont basées sur des preuves. Ça, c'est ça qui est important. Peut-être que quelqu'un, par exemple, toi, tu le connais juste par rapport au fait que tu le vois à la mosquée tous les jours. Mais tu n'as jamais parlé avec la personne. Tandis que l'autre frère, il le connaît personnellement parce que non seulement il le voit à la mosquée, mais il s'assoit régulièrement avec lui et il parle avec lui, il discute avec lui pendant des longues heures. Après la prière, il s'assoit sur un banc devant la mosquée, puis ils parlent entre eux pendant 2-3 heures sur différentes choses. Toi, la seule chose que tu sais de lui, c'est que tu rentres à la mosquée, tu le vois prier, tu dis salam alaikum, il te dit wa alaikum salam, et ça finit là. Donc toi, tu te dis à toi-même, bon, lui c'est un bon frère. Là, si tu entends quelqu'un qui le critique, tu vas dire, oui, mais lui, je le vois à la mosquée, je lui dis salam, il me dit salam, et il a la barbe, il porte le kamis, il a l'air bien, je n'ai jamais vu rien faire de mal. Hein? Oui, mais l'autre frère dit, oui, mais Harry, toi tu le vois comme ça, tu dis salam, salam. Mais l'autre, moi je m'assois avec lui tous les jours, je parle avec lui. Pendant 2 heures, j'ai discuté avec lui l'autre jour, il était en train de me parler, il me disait tous les dirigeants c'est des koufars, et tous les. Il fait le takfir de tel dirigeant, tel pays, et il défend telle idée qui est l'idée des Mu'tazila, et. Hein, il dénigre les ulama. Donc, tu dis, ah d'accord, tu vois, moi je ne savais pas. Moi je disais aux gens du bien de lui par rapport à ce que je savais de l'extérieur, mais je n'étais pas au courant des détails. Maintenant, l'autre frère qui le côtoie, qui a discuté avec lui plusieurs fois, et pendant des heures et des heures, peut-être même depuis plus qu'un an ou deux, il le connaît en détail. Hein? Donc toi, tu vas dire, quelqu'un d'autre qui ne le connaît pas, hein? Il va être devant toi, puis devant l'autre personne, devant l'autre frère qui toi tu dis du bien de lui parce que tu le connais pas bien. L'autre frère, il s'assoit tous les jours avec lui. Il y a un troisième frère qui arrive et il te demande qu'est-ce que tu dis de cette personne. Toi tu dis, ah, il est correct, c'est un frère bien. Et l'autre qui est à côté de toi, qui s'assoit toujours avec lui, il dit non, Harry, c'est pas vrai. Moi je m'assois tous les jours avec lui, je parle avec lui, il est pas bien. Alors, tu vas prendre la parole de qui? Exactement. Celui qui s'est assis avec lui pendant longtemps, qui a parlé avec lui, et ainsi de suite. Il le connaît mieux. Donc, tu peux pas te baser juste sur dire, ah, mais lui, il le voit tous les jours à la mosquée, il voit du bien de lui, donc, je vais prendre la parole de qu'est-ce que lui a dit. Parce que c'est quelque chose qui est plus en accord avec ce que je veux, moi. Mais les gens qui disent que c'est de la médisance, c'est parce qu'ils n'ont pas connu l'islam, ils n'ont pas compris l'islam. Parce que dans tu regardes même dans les paroles de l'imam al-Nawawi, dans son livre, par exemple, Riyad al-Salihin, je pense que c'est le chapitre 156, ou 150, le 256 ou 259, je pense que c'est 256, il y a un chapitre qui s'intitule Ma yubah min al-ghiba. Ma yubah min al-ghiba. Il y a un chapitre juste avant celui-là sur Tahrim al-ghiba, l'interdiction de la médisance. Le chapitre juste après, qu'est-ce qui est permis de la médisance? Hein? Et dans ce chapitre-là, qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Nawawi? Il dit, il y a 6 catégories de personnes contre qui il est permis et même parfois obligatoire de parler à leur sujet et de mettre en garde à leur sujet. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est pour le bien de l'islam, le bien des musulmans. C'est comme si, par exemple, quelqu'un vient te demander ta sœur en mariage. Hein? Est-ce que tu vas juste dire, ah, mais lui, c'est un musulman, il faut que je l'accepte parce qu'il est musulman, puis je veux pas dire du mal d'un musulman, donc, ok, prends ma sœur, marie-la. Alors que l'autre, il est au courant, par exemple, que c'est un voleur, hein, que c'est un criminel, que c'est un gars, peut-être même il est drogué, même il vend de la drogue, hein, mais en apparence, il a l'air correct. Et tu dis, arrête, tu veux marier ta sœur à ce frère? Tu veux marier ta sœur à ce gars-là? C'est un musulman? Peut-être, oui, mais il vend de la drogue. Ou bien il fait ci, il fait ça. Tu vas dire, arrête, pourquoi tu fais de la médisance? Ça, c'est pas de la médisance. Hein? Cache ses défauts. Ça, c'est, si tu caches ses défauts dans cette circonstance-là, parce que là, tu as trahi ton frère musulman. Tu as été coupable de trahison envers ton frère musulman parce que tu as caché la vérité de ce que tu sais à son sujet qui aurait pu faire en sorte que le frère évite de tomber dans un grand problème. Hein? Et si ça, c'est par rapport à des questions de la dunya, que tu as prévenir ton frère de quelque chose qui peut lui faire du tort et faire du tort à sa sœur et à sa famille, eh bien, qu'est-ce que tu penses dans ce cas-là des choses qui ont rapport avec ta foi, ta aqida, ta religion, des questions qui ont rapport avec ton manhaj? Tu vas pas mettre en garde contre quelqu'un qui a des croyances, une méthodologie d'égarement. Et ça, ça touche ta foi, ça touche ta religion, c'est encore plus grave que des choses de la dunya. Yani, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, in alayka illa al-balagh. Des fois, il y a des frères aussi, comme si ils veulent essayer de forcer les gens à accepter leur parole par rapport à la mise en garde. Mais tu n'as pas le pouvoir d'imposer la vérité et de changer les cœurs. Tu comprends? Donc, toi, ton devoir en tant que musulman, c'est de donner la nasiha et de mettre en garde tes frères contre un mal que tu connais. Et tu sais, toi, qu'un tel, c'est un égaré, un innovateur, et quelqu'un qui appelle à l'égarement, tu vas donner la nasiha à cette personne. Mais si tu vois que tu lui dis, puis que la personne, elle veut pas t'écouter, ben, dans ce cas-là, tu as fait, toi, ton devoir, tu l'as fait déjà. Mais tu vas pas, comme insister jusqu'à l'infini. Tu vois? Et en même temps, tu peux pas la forcer, tu vas pas enchaîner la personne, puis dire, je vais te forcer à m'écouter, puis sinon non, parce que tu peux pas faire ça. Donc, toi, tu donnes la nasiha de la meilleure façon possible, avec le meilleur comportement possible, avec douceur et avec sagesse, et tu clarifies les choses pour la personne, et si la personne accepte, alhamdulillah, et si la personne n'accepte pas, tu la laisses, hein, et tu continues à expliquer, à clarifier à ceux qui veulent écouter, hein, mais tu vas pas te prendre rien te battre ou te disputer avec des gens jour et nuit comme ça pendant des jours et des jours juste pour leur faire être d'accord avec ton point de vue alors que ils veulent pas écouter ou rien savoir. Il y a beaucoup de gens, ils ont déjà accepté la bid'a dans leur cœur et même si tu leur expliques, ils sont attachés passionnellement à cette fitna et les rentrer dans le cœur. Et pour la faire sortir, c'est pas facile. Exactement. C'est comme le poisson quand il mange l'hameçon, c'est facile pour qu'elle rentre l'hameçon, mais pour la sortir l'hameçon, hein, c'est très difficile. Et le poisson, il voit l'hameçon dans l'eau, il y a un vers au bout, hein, il est attiré parce que ça, c'est beau, hein, c'est bon, il a envie de le manger, donc il l'avale. Après, une fois qu'il est pris avec, après l'hameçon, il essaie de se retirer, il ne peut pas. La bid'a, des fois, c'est comme ça. La bid'a, c'est comme l'hameçon. Elle rentre facilement, mais pour la faire sortir, c'est difficile. Hein? Énorme. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, le cheikh, il dit, إِنَّمَا بَنَا عَلَى السَّابِقِ. Donc, la personne qui disait du bien de cet innovateur-là, ou qui pensait du bien de cette personne contre qui les autres envers qui les autres ont fait une mise en garde, eh bien, il se basait sur qu'est-ce qu'il a su dans le passé à propos de cette personne et à son sujet, sauf qu'il ne sait pas que la personne, maintenant, elle a changé et qu'elle a dévié, et donc que les savants ont mis en garde contre elle. Et le cheikh, il dit, donc, il dit, cette personne qui a été critiquée, on a établi la preuve contre elle, et on a montré son égarement et la cause de son égarement aussi. La preuve a été établie avec preuve, et celui qui cherche la vérité, il doit suivre la preuve. Il ne doit pas prendre les petits sentiers sur les côtés des voies, hein, à gauche et à droite, puis laisser qu'est-ce qui est clair et évident des preuves. Et il va dire, non, moi, il faut que je voie l'égarement par moi-même. Le cheikh dit, on n'a jamais trouvé ça, cette attitude-là, chez les salafs. Et ça, on l'a entendu aujourd'hui, cette attitude-là. Les gens disent, les savants, ils ont mis en garde contre un tel. Il dit, moi, je vais continuer à l'écouter jusqu'à ce que je trouve par moi-même l'erreur de la personne, puis que je le vois, que je l'entends. Ajib, subhanallah, les savants sont plus attentifs et plus méticuleux et plus ils ont plus de précautions dans ces questions-là que toi. Donc toi, tu dis, je vais l'écouter jusqu'à ce que je trouve l'égarement. Peut-être que du moment où tu vas trouver l'égarement, il va être trop tard. Peut-être que tu vas déjà être enseveli, et noyé toi-même dans la fitna, tu pourras même pas t'en sortir. Et c'est ça qui arrive souvent à des personnes. Ils veulent prendre les choses par eux-mêmes et s'en aller de façon autonome dans la fitna. Ils disent non, moi je vais avancer tout seul, je suis capable, je suis intelligent, je suis capable de comprendre, je vais lire les paroles, je vais écouter les audios, puis jusqu'à ce que je trouve moi-même l'erreur, après je vais y aller, après je vais mettre en garde. Ajib, subhanallah. Les preuves ont été clarifiées, le travail a été fait à ta place. Les savants ont déjà clarifié les choses. La seule chose que tu as à faire, c'est de prendre les preuves qui ont été ramenées, puis de les lire, tu vas être convaincu. Il y en a qui ne veulent même pas faire l'effort de faire ça. Hein? Même il y en a des gens, du moment qu'ils voient un livre qui a été écrit pour mettre en garde contre quelqu'un et qui clarifie ses égarements, automatiquement, il se crée comme une sorte de carapace, comme la tortue. Hein? Il rentre dans sa carapace et il s'enferme. Il ne veut pas lire. Il ne veut pas voir. Pourquoi? Parce qu'il est attaché émotionnellement à cette personne. Et il n'accepte pas qu'on dise quoi que ce soit de mal de cette personne, peu importe les preuves qu'on ramène. Hein? Donc ça c'est dangereux. Le cheikh il dit « وَهَذِهِ الْأُمُورِ تكون فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد في أصول العقائد وأصول العبادات فإن المصير إلى قبول من قام الدليل واجب حتمي وذاك العالم السني الذي خالف الجارحين له عذره هذا العالم السني الذي خالف الجارحين له خالف الجارحين له عذره يبقى على مكانته عندنا وعلى حرمته عندنا ونستشعر أنه له إن شاء الله ما كان عليه من سابقة الفضل وجلالة القدر وهذا وسعه والعالم من أهل السنة السلفي بشر يذهل يذهل وينسى ويكون عرضة للتلبيس من من بطانة سيئة أو كان قد وثق بذلك الرجل المجروح فلبس عليه. الشيخ explique un principe ici important. Il dit que l'erreur de cette personne, hein, l'erreur de cette personne qu'on a critiqué et contre qui on a mis en garde, a fait une erreur dans quelque chose qui n'est pas permis, dans lequel il n'est pas permis de faire un ijtihad. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie des divergences dans lesquelles les savants sont excusés de diverger par rapport à des ijtihads qu'ils ont faits. Parce qu'ils ont dévié dans des questions qui font partie des fondements de la aqida et des fondements dans l'adoration, sur lesquels il y a des preuves explicites et claires. Donc on ne peut pas excuser l'erreur de ces personnes qui ont fait ces erreurs-là. Hein? Et le cheikh, il dit, yani la preuve qui nous oblige à accepter la preuve qui a été ramenée à son sujet, elle est certaine. Et tandis que le savant qui a contredit ceux qui ont critiqué cet innovateur-là ou cette personne-là, lui, il a son excuse. Lui, ce savant, il a son excuse et il reste dans le statut dans lequel il était. Et dans le respect qu'on a pour lui, on continue à l'aimer, à le respecter, mais parce qu'on prend en considération sa position et le mérite qu'il a, et le respect qu'il a par rapport à sa science et à sa piété, à son mérite, et ainsi de suite. Donc on prend tout ça en considération, sauf qu'on se souvient que le savant, même s'il fait partie des gens de Ahl Sunna, et même s'il est salafi, c'est un être humain. Il peut oublier, il peut se tromper, il peut être... c'est possible qu'on lui mélange le vrai et le faux dans certaines choses, qu'il se trompe à cause de son entourage qui lui montre les choses d'une manière qui est contraire à la réalité. Hein? Des fois, il est entouré par certaines personnes, parfois, peut-être qu'il lui montre des choses d'une façon qui est incorrecte parce qu'ils sont des gens mauvais. Hein? Ou bien qu'il se base sur ce qu'il connaissait de la personne auparavant et il pensait que la personne était correcte. Et donc, elle a été trompée par cette personne, hein, par rapport à ce qu'elle savait avant de lui. Donc, il y a plein d'exemples comme ça actuellement. Et même à l'époque, par exemple, je me rappelle, à l'époque, il y a des gens, quand on parlait, par exemple, à propos de Salman al-Awda, Safar al-Hawali, eh bien, on parlait, par exemple, de ces gens-là et on disait, c'est des gens qui ont des déviations dans le manhaj et qui ont contredit la position d'Ahl Sunna al-Jama'a au sujet des dirigeants et au sujet des jama'at, des groupes. Ils défendent l'Irkwan, ils défendent Tablir, ils défendent plein de groupes de bid'a et ils critiquent les ulama, ils les insultent et ils font le takfir des dirigeants. Donc c'était des sourouris, hein. Et nous on mettait en garde contre eux parce que les savants mettaient en garde, il y a des savants qui mettaient en garde contre eux. Nous on mettait en garde contre eux. Et eux, qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? Ils essayaient toujours de ramener les paroles d'un savant pour essayer de les défendre. Donc ils ramenaient par exemple une parole de Cheikh Al-Albani. Qu'est-ce que Cheikh Al-Albani avait dit auparavant, hein? Et qu'est-ce que Cheikh Ibn Baz avait dit par exemple auparavant? Et qu'est-ce que Cheikh Ibn Uthaymin avait dit auparavant? Hein? Alors que par la suite, leurs égarements sont devenus clairs. Et les savants ont mis en garde contre eux. Et même Cheikh Ibn Baz, il a fait une fatwa avec le comité des savants pour les faire arrêter, de donner des cours et pour les même emprisonner certains d'entre eux. Salman al-Awda, Safar al-Hawali et d'autres. Donc, pourquoi? Pour éviter que leurs bid'a et leurs égarements se propagent et qu'ils continuent à faire de la fitna. Donc, ces gens-là, ils essaient toujours de se baser sur les paroles d'un savant qui n'était pas au courant des détails des égarements de ces gens-là pour essayer de tromper les autres, puis de dire « non, il est bien, il est bien ». Hein? Aujourd'hui, il y en a qui agissent de la même manière et ils utilisent par exemple le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hein, pour essayer de protéger ou de défendre certains innovateurs. « Ah, mais... » Cheikh Abdul Muhsin, il n'a pas dit de cette personne que c'est un égaré, il n'a pas dit que c'est un mubtadi'. Alors qu'il y en a des dizaines de savants qui ont parlé sur ces gens-là, comme Al-Halabi, Al-Ma'ribi et d'autres, Al-Maghrawi et Al-Qawsi et d'autres, et qui ont mentionné leurs déviations et leurs égarements avec preuve, et qu'il y a des gens qui continuent à essayer de les défendre en se basant sur le fait que le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad n'a pas parlé contre eux. Donc ça, c'est pas un argument. Donc le Cheikh, il dit ici, on continue à respecter ce savant. Et on sait que ce savant-là, il est excusé. Parce que, yani, il se base sur ce qu'il savait auparavant, ou des choses comme ça, il connaît pas les détails de la situation. Et ainsi de suite. Donc, le cheikh, il explique ces situations-là. Il y en a qui font pas la distinction, donc ils font pas la différence entre quelqu'un qui les défend parmi les savants d'Ahl-Sunnah parce qu'il, yani, se base sur ce qu'il sait à leur sujet, puis il est pas au courant des détails. Puis il est excusé par rapport à sa situation. Tandis que les gens de la passion et les gens de l'égarement qui sont connus comme étant des hizbiyyin, ils défendent toujours les gens des hizbiyyah. Donc, c'est pas la même chose qu'un savant d'Ahl-Sunnah qui les défend. C'est pas la même chose. Donc, le cheikh dit « وَالشَّوَاهِدْ عَلَى هَذَا كَثِيرًا فَكَثِيرٌ مِنَ السَّقَطِ الَّذِينَ هم في الحقيقة حرب على السنة وأهلها يأتون بنموذج من كتبهم يقرؤونها على علماء أجلاء مشهود لهم بالفضل والأمانة في الدين ويخفي ذلك اللعاب الماكر على ذلك العالم الجليل الإمام الفذ الجهبذ ما لو علمه لسقط عنده وهذا العالم يزكي بناء على ما سمع فإذا طبع الكتاب وانتشر وتناقلته الأيدي وذاع صيته فإذا بالمجادلين يقولون زكاه فلان الألباني أو ابن رحمه الله أو ابن باز رحمه الله أو ابن عثيمين رحمه الله زكى هذا الكتاب وهؤلاء العلماء رحمة الله عليهم معذورون ومن التبعة سالمون إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة وإنما هذا اللعاب أخفى ولبس على ذلك العالم إذن ماذا بقي؟ دونك الشيخ ابن الشيخ عبيد Hafizahullah, il dit, et les témoignages à ce sujet-là, et les points qui témoignent de ce principe-là, ils sont nombreux. Il y a beaucoup d'entre ceux qui sont tombés parmi les gens de l'égarement, et qui sont en réalité des gens qui font la guerre à la Sunna et aux gens de la Sunna, ils viennent avec leurs livres aux grands savants. Et ils demandent de leur lire leurs livres. Et ils viennent donc à ces grands imams, à ces grands savants, et ils s'assoient auprès d'eux et disent « J'ai écrit un livre, je voudrais te lire pour que tu me dises ce que tu penses. » Alors, il commence à lire son livre et ainsi de suite. Et le cheikh, il dit, c'est des gens qui jouent, c'est des rusés. Ils font exprès de lire uniquement yani, les livres dans lesquels ils savent que c'est correct, qu'est-ce qui est dedans. Mais il va cacher ses autres paroles ou ses autres idées à ce grand savant-là pour que le grand savant ne sache pas les détails de qu'est-ce qu'il pense vraiment. Juste qu'est-ce qui est écrit de bien dans ce livre-là en question. Donc, ils viennent et ils lisent le livre et le cheikh ou l'imam en question, il entend ce livre-là et dit « Oui, c'est un bon livre. Je te conseille de le faire publier. » Il va écrire une thèse qu'il y a, par exemple, une recommandation pour ce livre. Donc, ce grand savant, il va recommander ce livre. Et les gens, quand le savant il va recommander de publier ce livre, il se base sur ce qu'il a entendu de ce livre-là. Mais lorsque le livre a été publié et qu'il se propage et que les gens commencent à se l'échanger ou se le distribuer les uns les autres, eh bien, tu vois que les gens commencent à défendre la personne qui a écrit ce livre. Ils disent, regarde un tel, son livre, il a été préfacé ou recommandé par Cheikh Al-Albani, ou par Cheikh Ibn Baz, ou par Cheikh Ibn Uthaymin. Hein, il a recommandé ce livre, il a dit du bien de ce livre. Alors que ces grands savants, hein, sont excusés de ceux qui les ont suivis, qui ont suivi ces gens d'égarement-là. Hein, ils sont excusés d'eux dans cette dunya et dans l'au-delà. Parce que ils ont été trompés par ces gens qui sont des rusés et qui cachent la vérité de ce qu'ils pensent et de leur vraie position à ces savants-là. Donc le cheikh il dit, إذن ماذا بقي? Donc qu'est-ce qui reste ensuite? نقيم على ذلك الملبس اللعاب الدساس الماكر من كتبه نقيم عليه البينة من كتبه ومن جادلنا فيه نقول خذ هذا هو قوله هل تظن أنه عرضه بهذه الصورة على من سمينا من أهل العلم ومن هو على نفس النهج فاقرأوه فالجواب كلا إذن يجب عليك أن تكون منصفا متجردا من العاطفة الجياشة المندفعة ومن الهوى الذي يعمي ويجب عليك أن تكون طلبتك الحق. Donc le cheikh il dit, donc qu'est-ce qui reste? Tu établis la preuve contre ce ruseur, cet infiltré, cette personne qui fait des ruses, tu établis les preuves et les évidences de ces livres. Tu amènes ces livres et tu montres les preuves des égarements qui sont dedans. Et tu dis, prenez, si quelqu'un vient pour débattre avec toi à son sujet, au sujet de cette personne qui a écrit ce livre, parmi les égarés, il dit, ah, un tel, il a été recommandé par tel cheikh ou tel cheikh. Il dit, ok, prends ce livre-là, regarde, ça c'est ses paroles, qu'est-ce qu'il a dit dans son livre. Et tu lui présentes les paroles qu'il a dites dans son livre et tu lui montres, et tu lui dis, est-ce que tu penses que celui-là, quand il a écrit ce livre, quand il a lu au cheikh en question, il lui a présenté les choses de cette façon-là? Et la réponse, c'est non. Il ne lui a pas présenté les choses de cette façon-là. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut être juste. Il faut être clair. Il faut être honnête et se désavouer et se détourner de la passion. Et tu dois vouloir chercher la vérité. Ça, c'est ce qui est arrivé à beaucoup de gens. Comme par exemple, il y a des gens qui sont allés voir Cheikh Ibn Baz, par exemple. Ils lui ont lu des passages choisis du tafsir de Sayyid Qutb, par exemple, à l'époque. Donc, ils prennent des passages où Sayyid Qutb dit des affaires générales et des choses qui sont bien. Ils vont lui lire ça. Donc, Cheikh Ibn Baz, il entendait ça, il dit, ah oui, ça c'est une bonne parole, c'est bien. Mais ils ne vont pas lui lire les paroles où il défend des idées de kufr, comme Wahdatul Wujud, où il insulte les prophètes, où il insulte les sahaba, ou des paroles où il va, par exemple, nier les attributs d'Allah, ou des choses comme ça. Il cache ça. Alors, quand on lit au Cheikh Ibn Baz, quand on a lu par la suite les paroles de Sayyid Qutb à propos des sahaba, à propos des prophètes, à propos de Wahdatul Wujud, et ainsi de suite, Cheikh Ibn Baz, il a dit, ce livre-là, il est mauvais. Il faut le déchirer. Il a dit, yajibou yumazzaq. Ça, c'est ce que Cheikh Ibn Baz a dit par la suite. Et il a dit, c'est le Qutb da'i' fi tafsir. C'est le Qutb, il est perdu, il est égaré dans le tafsir. Il n'y a pas de science du tafsir. Donc, c'est pour ça que les gens, des fois, ils rusent avec les paroles des savants, l'attitude des savants. Ils veulent essayer de les tromper comme ça. Mais alhamdoulilah qu'on a des ulama qui travaillent pour clarifier la vérité du faux et pour éviter justement que les gens se fassent tromper de cette façon-là. Ensuite, il y a une autre question qui a été posée, et je pense aussi que cette question elle est importante, et c'est une question qui est reliée avec celle qu'on vient de lire. C'est la suivante, la question numéro 17. السؤال السابع عشر جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما الواجب على عوام السلفيين في دعاة اختلف العلماء في تعديلهم وتجريحهم سواء علموا أخطاءهم أو أم لم يعلموه أو لم يعلموها. Donc le cheikh il dit qu'Allah vous récompense et qu'Allah vous fasse du bien. Ça c'est une question d'un questionnaire qui dit quelle est notre obligation, quelle est l'obligation du commun d'entre les salafis au sujet de certains prêcheurs dont les ulama ont divergé à leur sujet dans la critique et l'éloge. Hein, ils ont divergé entre eux. Certains ont dit ils sont mauvais et d'autres ont dit ils sont bons. Peu importe qu'il ait su l'erreur en question ou qu'il ne l'ait pas su. C'est quoi l'attitude du commun d'entre les salafis? Comment on doit agir face à la divergence des savants dans la critique et l'éloge des individus? Cheikh Ubayd il répond à cette question et il dit « Aqul li ma'shar al-salafiyyin wa al-salafiyyat » من بلغتهم مشافهة هذه المحادثة مني ومن ستبلغهم عبر من ساغوا الأسئلة وألقوها علينا أقول أنصحكم إن كنتم تحبون الناصحين أن لا تقبلوا شريطا ولا كتابا إلا ممن عرفتم أنه على السنة مشهود له بذلك واشتهر بها ولم يظهر منه خلاف ذلك وهذه قاعدة مضطردة في حياته وبعد موته فمن مات وهو فيما نحسبه على السنة فهو عندنا عليها ونسأل الله أن يثبته عليها في الآخرة كما ثبته عليها حيا آمين. هذا أولا. Donc le Cheikh Ubayd حفظه الله وجزاه الله خيرا, il est très précis dans ses questions et réponses et il clarifie les choses en détail, et donc c'est pour ça qu'il est un des grands imams à notre époque, un des grands savants à notre époque. Alhamdulillah. Donc il dit, je dis à tous les assemblées de salafis, hommes et femmes, ceux qui vont entendre ma parole maintenant que je dis verbalement, ils l'écoutent, soit ils l'écoutent en direct, ou bien qu'elle leur sera transmise par la suite de la part de ceux qui ont posé les questions, hein, et qui nous les ont qui nous ont posé ces questions. Il dit, je vous dis, premièrement, je vous donne comme conseil, si vous aimez les conseillers, de n'accepter les cassettes, ni les livres de quiconque, excepté de ceux que vous avez connus comme étant des gens sur la sunna et qu'on a témoigné de cela à leur sujet. Et que cela a été, connu et ishtahara lahu, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est devenu une chose célèbre à son sujet. Hein? Il est devenu, c'est une chose qui est devenue populaire à son sujet, et c'est célèbre, c'est-à-dire c'est connu, ça c'est caché à personne, que c'est une personne qui est une personne sur la sunna, un salafi. Donc prenez seulement les livres et les cassettes de ces gens-là. Ceux que vous avez connus comme étant sur la sunna et qui ont été connus par tout le monde comme étant des gens de la sunna et qu'on n'a rien vu de leur part comme étant en opposition avec cela. Et ça c'est une règle, hein, ça c'est une règle à suivre La personne, la sunna, c'est devenu sa règle. Il la suit dans sa vie et jusqu'à sa mort. Il est mort sur la sunna et on espère que même dans l'au-delà, Allah va le raffermir sur la sunna également. Hein, comme il a été raffermi sur la sunna durant sa vie. Amin. Donc ça c'est un conseil très important, premièrement, que le cheikh il nous dit. Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué de la part de certains jeunes, sallallahu alayhi wa, c'est qu'on dirait qu'ils veulent toujours, et ça c'est pas tous les jeunes salafis en particulier, c'est pas tous les jeunes salafis en général, mais une catégorie d'entre les salafis. Certains d'entre eux, parmi les jeunes, ils veulent toujours essayer de trouver celui que personne connaît parmi les prêcheurs. C'est-à-dire, il veut toujours aller vers des prêcheurs que les gens ne connaissent pas, pour aller voir les gens par la suite pour leur dire, est-ce que vous connaissez tel cher? Hein? Vous ne le connaissez pas, hein? Et moi je le connais. Hein? C'est comme si j'ai découvert des nouveaux chouyours que vous ne connaissez pas. Ils veulent toujours essayer de ramener des noms aux gens que personne ne connaît sauf eux. Vous dites, ah, vous ne connaissez rien, moi je connais des chouyours, personne ne les connaît, juste moi. Ajib, subhanallah. Pourquoi tu laisses qu'est-ce qui est connu, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui est, hein, il n'y a pas de doute à leur sujet, tu t'en vas vers des noms que personne n'a jamais entendus, personne n'a jamais connus, et tu vas ramener ces noms-là aux gens pour créer des choubouhats, pour créer de la fitna. Et ça, c'est une maladie. Il y a des gens qui ont cette tendance-là. Et comme il y a justement le frère Ammar qui nous mentionnait ça aujourd'hui, il dit, il y a des gens qui aiment ça, les gharaib, les choses étranges, les choses, comme on dit, singulières. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent ramener des choses personne n'a entendu parler. Ils vont aller dans les livres de fiqh, ils vont sortir des divergences barbares, c'est-à-dire des choses que personne ramène, personne rapporte ces divergences-là. C'est des choses oubliées. Eux, ils les ramènent puis ils disent, ah, vous savez pas, il y a telle divergence, hein, il y a tel savant qui a dit telle chose. C'est des paroles qui sont, yani, dans des livres, personne ne les rapporte parce que c'est des divergences chèdes. Des choses, yani, ça contredit qu'est-ce qui est connu, qu'est-ce qui est établi et clair. Mais eux, ils ramènent ça juste pour créer, yani, du teshwish, comme on dit. Teshwish, c'est-à-dire juste pour distraire les gens. Hein? Les détourner de qu'est-ce qui est plus important. Hmm? Donc ça, c'est une maladie que certains, ils ont malheureusement. Et il y en a qui font ça avec les chouyours. Et je connaissais un frère, malheureusement, il avait cette tendance-là. Toujours, il voulait ramener des noms de prêcheurs ou de chouyours que personne connaît en général, juste pour dire, tu connais tel cher? Connais tel cher? Et puis, à la fin, aujourd'hui, maintenant, si tu le vois, ce frère, il était salafi, maintenant il n'est plus salafi. Maintenant il n'est plus salafi. Maintenant il défend les gens de bid'ah. Et maintenant il est ennemi du manhaj des salafs. Et il fait la guerre au manhaj des salafs. Donc, tu vois, ça commence comme ça. Au début, quelqu'un il veut toujours faire différemment des autres et ramener des choses que personne ne connaît jusqu'à ce que, après, il sort de la sunna et on n'entend plus du bien de cette personne-là par la suite. Des fois ça se peut que ce soit parmi des chouyours parfois qui sont salafis, mais ça se peut des fois que ce soit des chouyours qu'on ne connaît pas à leur sujet d'informations claires. On ne sait pas c'est quoi la réalité de leur manhaj. Hein? Donc, des fois, il y en a, du fait que c'est des Saoudiens, par exemple, on dit, ah, ben ça, c'est des Saoudiens, donc ils disent, ah, automatiquement, ce cheikh, il est en Arabie Saoudite, donc c'est un salafi. Non, ce n'est pas nécessairement un salafi. On sait qu'en Arabie Saoudite, il y a plein de hizbiyyin. Hein? Donc, tu vas dire, depuis que le cheikh, il vient de l'Arabie Saoudite, ça y est, c'est un salafi. Non, ça, c'est une erreur de penser ça. Il y a des Ikhwan en Arabie Saoudite, il y a des Sururi, il y a des Takfiri, et il y a d'autres. Hein? Il y a même des Soufis là-bas. Non. Si tu vas par exemple à Médine ou à Mecca, il y en a qui sont des Soufiyins. Bon, c'est pas parmi les savants qui sont connus, mais il y en a qui cherchent justement, juste ceux qui ne sont pas connus. Juste pour dire, ah, vous, les Salafis, vous prenez juste 2, 3 ou 4 savants, et vous laissez les autres. alors ils te sortent des noms que personne n'a jamais entendu. Puis souvent c'est des gens parmi eux, il y en a que c'est des gens qui sont pas connus, qui sont dans l'égarement. Mais si tu veux savoir des savants qui sont pas connus de la masse ou des gens en général, mais qui sont connus des savants salafis, mais qui sont pas, ils ont pas une célébrité comme d'autres savants, tu peux aller les demander à des savants qui sont connus, comme par exemple des grands ulama salafis. Tu dis, est-ce que par exemple vous connaissez des shuyukh qui sont peut-être pas connus, mais qui sont sur la salafie, qui ont un manhaj clair et qui sont bons, chez qui on peut aller pour étudier de ilm, et eux ils vont t'indiquer qui ils sont et avec qui tu peux apprendre. Comme il y a par exemple des shuyukh, plein de shuyukh, si tu vas aller en Arabie Saoudite, dans les différentes villes, que ce soit à Médine, ou que ce soit à Riyab, ou que ce soit à Samita, ou que ce soit à Mecca ou ailleurs, il y a des mashaykhs qui peuvent t'enseigner Nahou, qui peuvent t'enseigner le fiqh, qui peuvent t'enseigner l'aqidah ou d'autres, qui sont peut-être pas très connus, mais les shuyukh, les ulama, les connaissent, et ils savent que ce sont des ulama salafiyyin, que ce sont des gens de bien. Tu leur demandes aux mashaykhs, ils vont te dire oui, lui il est droit, il est correct. Et ça, on a vu dernièrement des exemples, que ce soit à Samita par exemple, il y a des mashaykhs qui sont décédés, et quand ils sont décédés, les shuyukh ont dit à leur sujet, oui, lui c'était un savant, c'était ci, c'était ça, nous on les connaissait pas, mais pourtant c'était les savants, eux les connaissaient, et c'est vrai que c'est des hommes de science. Donc, si tu te réfères à des hommes de science pour savoir que tu peux prendre de ceux-là, c'est correct. Mais si tu vas commencer à chercher juste des noms que les gens connaissent pas, juste pour les ramener aux gens, pour dire, écoutez celui-là, écoutez celui-là, écoutez celui-là, on sait même pas c'est quoi son manhaj, là, ça marche pas. Et c'est ça ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Il y a un petit groupe là en France et à Paris et ailleurs. Ils font des sites internet, ils traduisent des paroles de certains. On n'a jamais entendu parler à leur sujet que c'est des salafis. On sait rien sur eux. Et maintenant, on découvre que c'est des takfiris, que c'est des haddadis, et des choses comme ça. Et eux, ils nous disent, pourquoi vous les critiquez? Pourquoi vous parlez contre eux, hein? Donc ça, c'est des choubouhat encore. Naam. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Cheikh Ubaid, hafizahullah, il dit, « وثانياً إذا خفي عليكم أمر إنسان اشتهرت كتبه وأشرطته وذاع سيطه فاسألوا عنه ذوي الخبرة به والعارفين بحاله فإن السنة لا تخفى ولا يخفى أهلها فالرجل تزكيته أعماله التي هي على السنة وتشهد عليه بذلك ويذكره الناس بها حيا وميتا وما تستر أحد بالسنة وغرر الناس به حتى التفوا حوله وارتبطوا به وأصبحوا يعولون عليه ويقبلون كل ما يصدر منه إلا فضحه الله سبحانه وتعالى وهتك ستره وكشف للخاصة والعامة ما كان يخفي وما كان يكن من الغش والتلبيس والمكر والمخادعة ويهيئ الله رجالا فضلا وفطنا حكما أقويا جهابذا ذوي علم وكياسة وفقه في الدين يكشف الله بهم ستر ذلك اللعاب الملبس الغشاش سبحان الله. Donc, le Cheikh Ubaid hafizahullah, il dit, deuxièmement, si l'état d'une personne vous a été caché, c'est-à-dire l'état de d'une personne quelconque, elle vous échappe, mais ses livres sont devenus populaires, ses cassettes sont devenues populaires, et sa voix est entendue partout. Alors, dans ce cas-là, demandez les gens qui sont bien informés et qui savent l'état de cette personne, demandez à son sujet. Demandez aux gens bien informés à son sujet, au sujet de son état. Il dit, parce que la sunna, elle n'échappe pas. hein, elle n'échappe pas aux gens, et yani, les gens de la sunna ne sont pas inconnus. Yani, on sait qui sont les gens de la sunna et on connaît la sunna elle-même. Donc demandez aux gens de la sunna à propos de cette personne. Et ça, c'est quelque chose qui enrage les hizbiyyin. Hein? Qui enrage les hizbiyyin, pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un commence à prêcher, on demande à son sujet des informations. Et on demande aux savants à son sujet. Et ça, ça les dérange. Parce que justement, ça les empêche de pouvoir propager leur bid'ah aux gens. Hein? Quand quelqu'un commence à prêcher, les gens commencent à parler de lui, commencent à être populaires, on dit, c'est qui lui? D'où est-ce qu'il sort? C'est qui ce shuyukh? Où il a appris? Et ainsi de suite. Et là, il commence à dire, mais pourquoi tu commences à poser des questions sur la personne? Hein? Pourquoi tu poses toutes ces questions? Le frère, est-ce qu'il dit quelque chose de pas bien? Est-ce qu'il dit ci? Est-ce qu'il dit ça? Hein? On sait que les gens de bid'ah, comme le cheikh il le dit ici, les gens de bid'ah, ils commencent pas nécessairement à parler aux gens de leur bid'ah directement. Ils commencent au début à parler de la sunna. Et après, ils te rentrent avec des bid'ah petit à petit. Mais au début, ils essaient de te séduire. Donc, ils amènent des choses de bien. Le cheikh il dit, la sunna, donc, elle est connue, et les gens de la sunna aussi. Si, il dit, la tazkiya d'un homme, ce sont ses actions qui sont sur la sunna et qui témoignent en sa faveur. Hein? Et c'est des choses qui restent, des choses qu'on va mentionner à propos de cette personne, qu'il soit vivant ou mort. Mais si quelqu'un, il se cache derrière la sunna, en voulant dire c'est quelqu'un qui est sur une bid'a ou une shubha, mais qu'il se cache derrière la sunna pour tromper les gens, pour attirer les gens et pour que les gens se retournent, viennent autour de lui, les gens se rassemblent autour de lui, hein, il commence à accepter de lui tout ce qu'il dit jusqu'à ce que, hein, il dit, dans ce cas-là, Allah, il va le dévoiler. Il va le démasquer devant tout le monde. Hein? Il se cache derrière la sunna pour tromper les gens. Allah va le démasquer. Il va faire tomber son masque. Hein? Et c'est comme l'autre fois, il y a un frère qui disait, il y en a qui promettent de faire tomber le masque de quelqu'un et ainsi de suite. Et moi, je pensais à ça, je disais à moi-même, il y en a, ils n'ont pas de masque. C'est leur face elle-même qui tombe. C'est vrai. Il y en a, ils perdent la face complètement parce qu'ils n'ont pas de masque. C'est déjà clair que c'est des gens dévoyés. Hein? Non, Allah musta'an. Donc, le cheikh, il dit, donc, il dit, أَصْبَحُوا يُعَوِّلُونَ عَلَيْهِ. Donc, les gens commencent à se propager ses paroles et à entourer cette personne et accepter tout ce qu'elle dit jusqu'à ce que Allah le démasque et le dévoile et que sa couverture soit, hein, enlevée et que tout le monde puisse voir sa réalité. Les savants ou les gens du commun, tout le monde voit par la suite ce qu'il cachait et ce qu'il camouflait de ses tromperies, de ses ruses, hein, de ses complots, de son mélange du vrai et du faux et de ses trahisons. Et Allah subhanahu wa ta'ala prépare des gens, il fait venir des gens parmi les gens du bien, des gens intelligents, des gens sages, des gens forts, hein, des gens qui ont de la science et de l'intelligence et de la compréhension de la religion, qui vont faire, par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala va faire dévoiler et démasquer les ruses de ces individus-là qui jouent, hein, et qui trompent les gens. Alors, le cheikh il dit, فَعَلَيْكُمْ إِذَا بُيِّنَ لَكُمْ حَالَ ذَلِكَ الْإِنسَانِ الَّذِي قَدْ ذَاعَ سَيْطَهُ وَطَبَّقَ الْآفَاقُ وَأَصْبَحَ مَرْمُوقًا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْبَنَانِ أَصْبَحَ عَلَيْكُمْ وَاجِبًا الْحَذَرْ مِنْهُ مَا دَامَ أَنَّهُ حذر منه أهل العلم والإيمان والذين هم على السنة فإنهم سيكشفون لكم بالدليل ما مانع من استكشاف حال ذلك الإنسان الذي حذر منه العلماء أو الذي حذر منه عالم أو علماء بأدب وحسن أسلوب فإن هذا العالم سيقول لك رأيت فيه كذا وكذا وفي الكتاب الفلاني كذا وفي الشريط الفلاني كذا وإذا هي أدلة واضحة تكشف لك ما كان يخفيه وإن ذلكم الذي طبق صيته الآفاق وأصبح حديثه مستساغا يخفي من البدع والمكر ما لا يظهره من السنة. Donc, pour terminer le deuxième point, le cheikh il dit donc que il n'y a personne qui peut cacher sa bid'a indéfiniment. Elle va apparaître tôt ou tard. Donc, il dit le cheikh, si les choses ont été clarifiées à propos de cette personne, cette personne que sa parole et sa voix est propagée partout dans le monde et à l'horizon, et il est devenu pointé du doigt parce que les gens prennent sa parole comme une référence maintenant. Donc c'est devenu obligatoire de mettre en garde contre lui. Et du moment qu'on a mis en garde contre lui, et qu'un savant ou des savants qui sont sur la sunna et qui font partie des hommes de science et de foi, ont mis en garde contre lui, eh bien, il devient clair par la suite, avec preuve que cette personne, elle doit être mise en garde contre, on doit mettre en garde contre elle, et avec preuve, le savant, il va mettre en garde contre cette personne avec preuve, et ils vont dévoiler l'état de cette personne, et mettre en garde contre lui. Celui que un savant ou des savants ont mis en garde contre lui, vont mettre en garde et dévoiler son état avec des bonnes manières et avec un style qui est bon. Ils vont le faire de façon propre, correcte. Et le savant va dire à son sujet, j'ai vu de lui telle ou telle chose. Ou dans tel livre, dans telle cassette, il a dit telle chose ou telle chose. Et il va ramener des preuves claires qui vont démontrer clairement ce que cette personne-là cachait. وَأَنَّ ذَلِكُمُ الَّذِي تُطْبِقَ أَوْ طَبَّقَ صَيْطَهُ الْأَفَاقُ أَصْبَحَ حَدِيثُهُ مُسْتَسَارًا. Donc, c'est cette personne que sa parole elle se propageait partout à l'horizon et que tout le monde avalait ses paroles. Normalement, eh bien, on va montrer par la suite la réalité de ce qu'il cachait comme innovation et comme ruse, et qu'il ne laissait pas paraître. Et qu'est-ce qu'il ne laissait pas paraître de la sunna. وَأَمْرُ الثَّالِثُ وَهُوَ أَنَّ مَنْ عَلِمَ الْخَطَأَ وَبَانَ لَهُ فَلَا يَسُغُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ عَالِمًا خَفِيَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَقَدْ قدمت لكم أمس أن اجتهادات العلماء غير معصومة ولهذا لا يجوز أن تتخذ منهجا. Donc par exemple le cheikh il dit comme troisième point, et ça c'est le point par lequel on va terminer le cours, il dit que si par exemple vous avez su l'erreur de quelqu'un avec preuve, vous n'avez plus le droit, par la suite, de suivre aveuglément un autre savant qui a dit du bien à son sujet parce que lui, il n'a pas connu la réalité de son état. Il y a des gens qui font ça. Par exemple, ils vont lire toutes les preuves à propos de l'égarement de quelqu'un avec les numéros de page et les titres des audios et ainsi de suite. Et ils vont être on va leur présenter toutes les preuves. Puis, ils vont dire, après avoir vu toutes les preuves, ils vont dire, ah oui, mais moi, j'ai vu qu'un tel savant, il n'a pas parlé, donc moi, je vais suivre ce savant-là, qu'est-ce que lui, il a dit. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas permis. Oui, ils vont dire peut-être qu'il y a divergence, mais tant, du moment que tu as lu les preuves détaillées et claires, tu ne peux pas te baser sur la parole de quelqu'un juste parce que lui, il n'a pas parlé ou lui, il n'a pas dit à propos d'un tel que tu dis, ah lui, il n'a pas parlé, donc moi, je ne parle pas. Non, parce que tu ne sais même pas pourquoi lui, il n'a pas parlé. Tandis que les preuves que tu as lues claires qui montrent les erreurs et les égarements de cette personne-là, tu les connais maintenant. Donc, tu n'es pas excusé. Tandis que ce savant-là qui n'a pas parlé, lui, il est peut-être excusé. Parce qu'il ne savait pas. Et quand il ne sait pas, il ne peut pas parler. Hein? Donc, toi, tu te bases sur celui qui ne sait pas, tu l'utilises comme une règle, comme une preuve. Alors que le cheikh, il dit, on a dit déjà hier, il dit dans le cours précédent, c'est-à-dire la question qu'on vient de lire précédemment, la question numéro 16, on a lu que les ijtihads des savants, elles ne sont pas infaillibles. Et donc, on n'a pas le droit de prendre ces ijtihadats comme des méthodologies à suivre. Hein? Tu vas dire, oh, moi je vais prendre la position de Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad à propos de Ali Hassan ou à propos d'un tel, parce que lui, il ne les a pas critiqués, il n'a pas dit que c'est des gens de bid'ah. Donc, moi je me base sur la parole de ce Cheikh-là. Je le suis aveuglément là-dedans. Alors que tu as vu les preuves, tu as vu les réfutations de Cheikh Rabi, les réfutations de Cheikh Obeid, les réfutations de Cheikh Ahmed Bazmoul, les réfutations de d'autres parmi les machaïkhs également. Donc tu laisses ça de côté avec toutes les preuves et les détails qui ont été ramenés, où tu vas te baser sur le fait qu'un savant n'a pas parlé. Ajib, subhanallah. Donc ça c'est... Hein, qu'est-ce qu'on a lu comme explication aujourd'hui? Alhamdulillah, on va s'arrêter là, puis on expliquera la suite de ça au prochain cours, Inch'Allah. Tout à l'heure, plus tard, le cours, ce soir, après le Maghreb, on va faire le cours de Al-Usul al-Thalatha, Inch'Allah, de Cheikh Zayd. Et demain, le programme, c'est après le dhuhr demain, on va faire Al-Fatwa al-Hamawiyya de Cheikh Ibn Taymiyyah avec les commentaires de Cheikh Al-Fawzan. Et après le Maghreb, on va faire la suite du livre de Cheikh Mohamed Aman Al-Jami sur Haqiqat al-Shura pour terminer ce livre-là, Inch'Allah. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله.